Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 12. De l'intention. À quelle faculté appartient l'intention? De quelle manière elle s'exerce? 1. L'intention est-elle un acte de l'intelligence ou de la volonté? L'intention, qui, par son étymologie, signifie tendre à un but, appartient principalement à la puissance qui porte vers la fin. Or, on a vu plus haut, question 9, 1, que c'est la volonté qui meut toutes les forces de l'âme vers leur fin, c'est donc à elle que revient l'intention. Note. L'intention présuppose un acte de l'intelligence proposant à la volonté la fin vers laquelle on se porte. Aussi est-elle désignée par l'œil dans ce passage de l'Évangile, « Si votre œil est simple, tout votre corps sera éclairé. » Matthieu 6, 22. L'œil, en effet, nous marque d'avance l'endroit où notre corps doit se transporter. La raison établit d'abord le rapport d'un objet avec une fin, et la volonté, qui ne coordonne pas, tant par l'intention, vers cet objet, en suivant l'ordre indiqué par la raison, car l'intention est un acte que la volonté accomplit pour une fin. On dit de quelqu'un qu'il a l'intention de recouvrer la santé, lorsqu'il prend les moyens nécessaires pour l'obtenir. Fin de la note. 2. L'intention ne regarde-t-elle que la fin dernière? Quoique l'intention porte nécessairement sur une fin, elle ne porte pas toujours sur la fin dernière, autrement les hommes n'auraient pas diverses intentions. Elle regarde une fin comme terme d'un mouvement de la volonté. Or, il y a deux sortes de termes, l'un extrême, où cesse toute opération, l'autre intermédiaire, qui est tout à la fois principe d'une partie du mouvement et fin d'une autre. L'intention peut s'appliquer à l'un de ces deux points, et voilà pourquoi elle ne regarde pas toujours la fin dernière, quoiqu'elle ait toujours une fin pour objet. Note. L'intention emporte un mouvement vers une fin et non vers le repos, en cela elle diffère de la jouissance. Fin de la note. 3. Peut-on avoir deux intentions en même temps? L'art imite la nature, qui tire deux utilités d'un seul instrument, comme on le voit par la langue, dont la fin est de goûter les choses et de parler. L'art ou la raison peut, de même, rapporter une seule action à deux fins différentes, ce qui revient à avoir plusieurs intentions en même temps. Rien n'est plus simple. Lorsque deux objets sont coordonnés entre eux, il n'est pas rare que l'on se propose une fin prochaine et une fin ultérieure, par exemple, la préparation d'un médicament et la santé. Quand les objets ne sont pas coordonnés entre eux, on peut encore en embrasser plusieurs dans son intention, c'est ce qui a lieu lorsqu'on choisit un meilleur bien, de préférence à un autre. Car ce qui rend une chose meilleure provient parfois de ce qu'elle est propre à un plus grand nombre d'usages. On se propose alors plusieurs fins à la fois, ce qui revient encore à avoir plusieurs intentions en même temps. Note. Il faut remarquer que ce qui n'est pas un en réalité peut néanmoins devenir un aux yeux de la raison, qui coordonne les objets et les fait servir les uns aux autres. Aussi plusieurs objets distincts en réalité peuvent être considérés comme un seul terme pour l'intention. Premièrement, lorsqu'ils concourent à une seule et même fin, par exemple à produire la santé. Ensuite, lorsqu'ils sont renfermés dans un autre plus général que l'on se propose d'obtenir. L'acquisition d'une quantité de vin et d'étoffe est renfermée, par exemple, dans l'idée de gain, comme dans une idée générale, et rien n'empêche que celui qui a l'intention de réaliser un gain ne se propose en même temps l'acquisition de ces deux objets. Ainsi, on peut avoir plusieurs intentions à la fois, En tant qu'elles sont ramenées à une certaine unité, c'est ce que nous disions, dans la première partie, au sujet de l'intelligence qui comprend plusieurs choses en même temps, sous une idée générale. Partie 1, question 85, 5. Fin de la note. 4. L'intention embrasse-t-elle dans un même acte la fin et les moyens? Si la volonté se porte à une fin et à ce qui y mène, comme à deux objets absolument distincts en eux-mêmes, il y a, dans ce cas, deux intentions. Mais, lorsqu'elle se porte vers ce qui mène à une fin en vue de la fin elle-même, elle embrasse dans un même acte la fin et les moyens. Quand je dis, par exemple, je veux prendre cette potion pour recouvrer ma santé, je n'émets qu'un seul acte de volonté, parce que la fin est le motif qui me fait vouloir le moyen, et alors le même acte tombe sur l'objet et sur la raison de l'objet. Il en est de la volonté comme de l'intelligence, si celle-ci considère séparément un principe et une conclusion, il y a deux actes distincts. Mais si elle accepte la conclusion à cause du principe, il n'y a qu'un seul acte. 5. L'intention convient-elle aux animaux? L'intention, qui, comme je l'ai dit, est l'acte par lequel on tend vers une fin, peut appartenir à l'être qui meut et à celui qui est mu. L'attribuez-vous à l'être qui est mu par un autre vers une fin, alors vous pouvez l'appliquer à tous les êtres de la nature, que Dieu fait mouvoir vers leur fin, comme l'archer meut la flèche, et les animaux, dans ce sens, veulent une fin, puisqu'un instinct naturel les porte vers certaines choses. Appliquez-vous l'intention au moteur même qui dirige un mouvement, soit le sien propre, soit celui d'un autre être, vers une fin, alors celle-là n'appartient qu'à l'être raisonnable, elle ne convient pas aux animaux. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.